L'agroécologie. On m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. Agro, j'écoute. L'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro, j'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Bonjour à tous, bonjour Campus FM, bonjour Léa, bonjour Clément. Bonjour. Bonjour Léa. Je suis contente de vous voir, contente de passer sur Agro J'écoute. C'est la première fois pour nous trois qu'on passe à la radio. Donc chers auditeurs, on est trois étudiants de l'école d'ingénieurs agronomes Purpan à Toulouse. Et aujourd'hui, on aimerait vous parler d'un sujet qui nous préoccupe pas mal. C'est tout ce qui touche à l'alimentation. J'aimerais me nourrir de la façon la plus saine possible, mais j'ai l'impression que c'est assez compliqué. Et j'aimerais qu'on parle de ça aujourd'hui. Et comment ça ? En fait, j'ai lu plein de revues, regardé des docus, partout, que ce soit dans les journaux, à la radio, à la télé, partout j'entends parler de pesticides, mycotoxines, perte de nutriments, enfin, j'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup de problèmes, mais pas beaucoup de solutions. Et donc je suis un peu paumée là-dedans, enfin, j'aimerais qu'on dégrossisse un peu ce sujet. Je suis d'accord, oui, mais moi aussi ça m'inquiète un peu tout ça, surtout que nous on est en école d'agronomie, donc on est encore plus sensibilisé à ça, et même si on a des cours sur l'agriculture, sur l'alimentation, etc., on a quand même du mal à savoir comment nous nourrir le mieux possible, et du coup on peut en parler ensemble et déjà essayer de tirer le vrai du faux. Ouais, c'est une super bonne idée parce que ça m'intéresse énormément aussi. C'est quand même un sujet qui nous touche tous et moi aussi je me pose quand même pas mal de questions par rapport à ça. Donc je pense qu'on peut en parler, c'est très intéressant. Et Raphaël Maître nous rejoindra en deuxième partie de l'émission. Elle est chef de projet dans la restauration collective au sein de l'entreprise EPSA, Agriat Conseil, et elle pourra nous témoigner de son point de vue et nous éclairer sur les pesticides dans notre alimentation avec son expérience professionnelle. Mais avant ça, je vais vous faire goûter l'extrait d'une chanson que j'ai entendue il n'y a pas longtemps et qui m'y fait penser. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Et rebonjour à tous, ou bienvenue sur Agro J'écoute pour ceux qui nous rejoignent. Léa, je ne connaissais pas cette chanson, c'est quoi ? Ouais, moi je la connaissais, mais j'avais jamais capté que la chanson parlait des OGM. La musique, c'est La Montagne de Jean Ferrat, et la chanson, elle date de 1967. Ça montre à quel point les changements dans l'alimentation ont commencé il y a bien longtemps. Ouais, justement, je me demande en fait comment ça a commencé, comment on en est arrivé là ? Alors en fait, ça a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque la France, après la guerre, a un niveau de sécurité alimentaire qui est faible, puisqu'en effet, les Français n'ont pas un accès à la nourriture en quantité et qualité suffisante. Et on va voir petit à petit, surtout pendant la guerre, une amélioration de la chimie, beaucoup de recherches en chimie, pour les besoins de la guerre premièrement, et ensuite ça va être détourné pour les besoins de l'agriculture. Et de même pour la mécanisation, puisqu'on va utiliser les usines qui fabriquaient des tanks pour la guerre. Et il va y avoir une reconversion pour fabriquer les tracteurs pour l'agriculture. Donc en deux mots, c'est l'intensification de l'agriculture. Il y a une explosion de la mécanisation et l'utilisation de produits de synthèse. Si on chiffre ça, entre 1946 et 1974, donc en 30 ans, on a doublé la production avec deux fois moins d'actifs agricoles et 10% de surface cultivable en moins. Donc c'est quand même énorme, c'est comme si on image ça et on a deux cuisiniers dans une cuisine, deux cuisiniers dans un restaurant qui font 20 couverts par jour. Et finalement, après quelques temps, il va y avoir l'arrivée de nouveaux outils, nouvelles machines, nouveaux ingrédients. Et finalement, on va pouvoir garder qu'un cuisinier pour faire 40 couverts par jour. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même énorme la différence. Et à cette période, les avancées étaient clairement indispensables puisque comme je vous l'ai dit, donc, on était en sécurité alimentaire assez importante. Et finalement, donc, c'était quand même très important à cette époque, ces avancées étaient très importantes, pardon. Mais finalement, avec du recul, on se rend compte qu'on avait très peu de recul sur l'impact, sur la biodiversité et sur notre santé. Oui, mais le problème, c'est que ça a changé le paysage, vu qu'il y avait des plus grandes parcelles. Ça s'est accompagné aussi d'une simplification des rotations. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est les rotations, c'est tout simplement l'enchaînement des différentes cultures au cours de l'année sur une même parcelle. Et ces rotations, elles ont maintenant, et avant et aujourd'hui, elles font intervenir quasiment que des céréales comme le blé, l'orge ou encore le maïs. C'est des cultures qui sont très productives et rentables. Et tout cela au détriment des pratiques qui étaient à la base polyculture-élevage. Et accompagné de ça, il y a eu plus d'intrants à apporter aux cultures pour produire toujours plus. Et donc plus de pesticides et plus d'engrais de synthèse. Oui, puis d'après ce que j'ai compris, du coup, le fait qu'on apporte plus d'intrants, ça fait que le système est moins résilient, dans le sens où, en fait, on va couper les cycles naturels, donc de tout ce qui est éléments essentiels pour la plante, donc azote, phosphore, potassium principalement, et on les donne déjà tout cuits, assimilables sous forme d'intrants à la plante, et du coup, elle n'arrive plus à se débrouiller sans, c'est un peu un cercle vicieux. En fait, pour vous donner un exemple, si je prends par exemple un sportif qui aimerait augmenter ses performances, si on lui proposait de lui donner des pilules qui contenaient exactement tous les nutriments dont il avait besoin, si un jour il arrêtait, ses performances chuteraient complètement et son corps ne saurait plus gérer une alimentation normale. Et puis cerise sur le gâteau, c'est que tout ça c'est toxique pour l'écosystème et la biodiversité. Il y a certains éléments qui mettent des indices paraître, par exemple... j'ai lu récemment sur le site du Sénat qu'on a retrouvé récemment dans les nappes phréatiques des traces d'atrazine, qui est un herbicide très dangereux qui a été interdit en 2003. Ah oui, quand même. Et je sais que c'est pareil pour les cours d'eau. Il y a une étude qui a été faite par le ministère de la Transition écologique et qui a montré que dans les eaux superficielles et souterraines en France, cette étude a montré qu'il y avait 97% des cours d'eau qui contenaient des pesticides issus de l'agriculture. Donc c'est quand même énorme, vous vous rendez bien compte. Et ça attaque l'environnement, la faune et notre santé par la même occasion, puisque c'est en partie l'eau qu'on consomme. Ouais, donc ça, en fait, si je reprends l'exemple de mon sportif de tout à l'heure, ça voudrait dire que même s'il arrête là, du jour au lendemain, s'il arrête de prendre ses pilules, en fait, pendant encore des mois, voire des années, il va garder les éléments nocifs qui auraient été créés dans ses pilules. Oui, et puis en plus, il ne faut pas tout confondre, puisqu'il y a des pesticides, des mycotoxines, du glyphosate, on voit aussi une perte de nutriments dans les aliments. En fait, il y a énormément de problèmes en parallèle. Ouais, ça c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout qui est mélangé, même moi, j'ai tendance à m'y perdre. Rien que sur les pesticides, il y a herbicides, insecticides, fongicides, on nous parle de mots hyper compliqués, néonicotinoïdes, diméthoates, glyphosate, pyréthrinoïdes, et il y a un débat sur chacun d'eux. Et oui, c'est logique parce que tous ces produits, ils ont un impact sur la biodiversité, sur notre santé. L'OMS a même classé un grand nombre de pesticides comme étant cancérogènes, mutagène, donc toxique pour l'ADN, je vous cache rien, l'ADN c'est quand même assez important pour nous, reprotoxique, donc nocif pour la fertilité, ou encore perturbateur endocrinien, et j'en passe des belles. Quoi. Ouais, j'ai même lu aussi qu'ils sont à l'origine de la maladie de Parkinson, de certains cancers, de malformations et même d'infertilité. Ça fait flipper quand même. Puis les premiers à en payer le prix fort sont quand même les agriculteurs, puisque c'est eux qui les respirent, ceux qui les manipulent, et souvent c'est fait avec des équipements qui ne sont pas adaptés ou qui sont mal utilisés. Mais nous aussi, tous les consommateurs en général, on est aussi impactés en mangeant, en buvant, en respirant. On peut être en contact avec ces produits. Après, il y a quand même des plans comme Ecophyto, par exemple. C'est un plan d'action qui a été émis par le gouvernement pour réduire l'utilisation de pesticides dans l'agriculture. Mais même avec ça, on se retrouve encore avec des pesticides dans les cours d'eau, dans l'air et du coup jusque dans nos assiettes. L'INRAE a même étudié la possibilité d'une agriculture européenne sans pesticides en 2050. Mais en fait, dans ce cas-là, il faudrait modifier tout le système de production. Et ça aurait une incidence sur l'immunité des plantes, les interactions entre les plantes, mais aussi les interactions avec notre microbiote, les paysages. C'est un changement tellement systémique que ça ne pourrait pas être mis en place du jour au lendemain. Ça demanderait des modifications dans le choix des cultures, dans la façon de travailler des agriculteurs, et des profonds changements de filière. Donc filière dans le sens où les agriculteurs, du coup, s'ils utilisaient moins de produits phytosanitaires, ils produiraient moins forcément. Et ils devraient changer de circuit de vente. Par exemple, ce serait plus autant rentable pour eux de vendre en grande surface. Et du coup, il faudrait qu'ils réfléchissent à faire du circuit court ou alors à faire de la transformation. Et du coup, ça changerait tout en fait pour eux, pour nous, pour toute la filière. C'est une question aussi qu'on peut se poser, mais ce qui va changer ça, c'est aussi les consommateurs. Donc on peut se poser la question, est-ce que les consommateurs sont prêts à mettre le prix pour que les efforts des agriculteurs soient valorisés? Mais c'est vrai que les consommateurs ont un rôle à jouer, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande. Et comme toujours, les consommateurs, ils ont un rôle non négligeable. Le but, c'est de mieux les nourrir, de plus les nourrir et plus vite. Mais avec ce modèle, on se rend compte que les plantes, elles n'ont pas assez de temps pour capter tous les nutriments dont elles ont besoin dans les sols. Et en plus, on leur donne des sols appauvris, des sols moins riches, parce qu'on ne laisse pas les sols vivre tout seuls. On ne fait que leur apporter plein de choses tout le temps. Et on ne les laisse pas se régénérer. Donc au final, c'est vrai que ça pose problème. Ouais, bah ça entraîne une perte de nutriments hein, dans les fruits et légumes. Ça, c'est un gros problème de notre alimentation et ça touche d'autant plus les personnes végétariennes qui comptent principalement sur les fruits et légumes. Ça entraîne une baisse des éléments nécessaires à notre corps pour fonctionner correctement et donc avoir un bon système immunitaire, par exemple. C'est vrai que j'ai vu que la perte de nutriments n'était pas la même pour tous les nutriments. Ça peut aller de 6% pour les protéines qui sont indispensables pour les muscles à 38% de perte pour les vitamines B2 qui sont quant à elles importantes pour la vision et le fonctionnement du système nerveux. Autant vous dire que c'est quand même super important. Oui, j'y pensais pas avant de faire cette émission, mais on a fait toutes ces avancées, on a créé tout ça pour plus de sécurité alimentaire. Et au final, avec la spécialisation, l'intensification et maintenant cette perte de nutriments, comme vous venez de le dire, ben, on a boosté tous les leviers de la production. Mais au final, l'alimentation, qui est quand même, je tiens à le rappeler, le premier pilier d'une personne en bonne santé, eh ben, cet objectif, il n'est pas atteint et ça perd un peu de son sens. Quand je vois par exemple que selon l'AGREST, donc l'AGREST, ce sont les statistiques qui sont faites par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, donc selon l'AGREST, la pomme subit en moyenne 35 traitements de phyto en moyenne par an. Ça me paraît énorme. Et pour le bio, c'est mieux, mais ce n'est pas encore gagné, puisque là, on est à 26 traitements de produits phytosanitaires par an. C'est énorme. Ça donne envie de manger de la pomme, merci. Et encore, tu nous parles des fruits et légumes, mais les animaux qu'on mange, c'est pareil, puisqu'ils sont nourris avec ces mêmes aliments qui sont moyennement riches. Et ça va baisser la qualité de la viande, puisque donc, les animaux, ils sont en haut, enfin, juste en dessous de nous dans la chaîne alimentaire. Et donc forcément, s'ils se nourrissent de ces aliments qui sont moyennement qualitatifs ou avec des pesticides, tout ça, bah, c'est vrai que la qualité de la viande va être impactée forcément, et c'est problématique. Du coup, les filles, vous parlez de perte de nutriments, de pesticides, etc. Mais il y a aussi un sujet que je trouve hyper intéressant, c'est les mycotoxines. C'est un sujet, moi, qui me touche vraiment. Ouais, ça, j'ai pas trop compris ce que c'était, du coup. Ben, en fait, c'est des produits qui sont issus de champignons qui peuvent se développer dans les champs ou en cours de stockage. Surtout quand l'environnement, il est chaud et humide, donc ce qui est propice au développement de champignons. Et en fait, ce sont des toxines, du coup, c'est toxique pour l'homme et pour les animaux. Et les principales mycotoxines qu'on va retrouver, le plus souvent dans l'élevage en plus, ce sont les aflatoxines, l'ochratoxine A, la pachine. Encore des mots compliqués. Ouais, que des mots compliqués. Ou encore la fumonisine. Donc, ça en dit long. Et du coup, ça se développe comment exactement? Donc elles peuvent se développer dès le semis de la culture, au champ, quand c'est des variétés sensibles aux champignons, ou quand le désherbage est mal fait, puisque ça peut entraîner l'apparition de mauvaises herbes qui favorisent le développement des champignons. Mais également en cas de stress hydrique, donc un stress hydrique c'est un manque d'eau pour la plante et plein d'autres facteurs qui peuvent entraîner un développement des champignons qui sont producteurs de ces mycotoxines dans les cultures. Et ensuite ces mycotoxines elles contaminent les aliments et elles peuvent créer des troubles neurologiques, des problèmes endocriniens ou même des cancers si elles sont ingérées surtout en grande quantité par l'humain. Mais je pense que ça ne fait pas flipper que moi. C'est réglementé. Oui, heureusement. Oui, concernant les mycotoxines, en fait, c'est un comité d'experts qui vient à moitié de l'OMS et de l'ONU et qui travaille du coup pour la FAO, donc, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Et donc, en fait, ce comité, qui est l'organisme international du coup, qui est chargé d'évaluer les risques qui sont dus aux toxines naturelles, dont font partie les mycotoxines d'ailleurs. Et après, une fois que ce comité d'experts a évalué les risques, là, ça va être la commission du Codex Alimentarius qui va du coup se baser sur les résultats du comité pour fixer les normes internationales et les codes d'usage pour limiter l'exposition aux mycotoxines dans certains aliments. Et après, pour les pesticides, là, ça va être l'Union européenne qui va réglementer directement leurs usages puisque c'est elle qui va définir les limites légales qui sont appelées du coup les limites maximales de résidus, donc les LMR pour abréger. Et ces LMR, elles sont là pour contrôler la quantité de résidus de pesticides qui sont autorisés dans l'alimentation. Et tout ça pour assurer une protection élevée du consommateur, bien sûr. Ok. Bon, donc si là je résume, on a parlé de pesticides, de perte de nutriments, de mycotoxines. Donc on a quand même pas mal dégrossi le sujet déjà sur ces points-là, en tout cas. C'est déjà un peu plus clair. Mais maintenant, ma question, ce serait plus, qu'est-ce qu'on mange pour se nourrir le mieux possible? Qu'est-ce qui se fait? Et parce que quand même, la France, il faut se le rappeler, c'est le premier pays le plus consommateur de pesticides en Europe, ex aequo avec l'Espagne. Donc la France consomme 110 000 tonnes de pesticides par an. C'est le poids d'1,5 million d'humains. Ah oui, ça représente, en fait, ça représente un peu trois fois la population de Toulouse. Et parce que toi, t'as ces chiffres peut-être. Oui, je calculais en amont. Ouais, ben, en sachant ça, je me retrouve devant l'étal de fruits et légumes, j'ai presque plus faim, quoi. Je comprends totalement, c'est pareil pour moi, je trouve ça hyper inquiétant et ça touche chacun de nous en plus, donc... Bon, on panique pas, ok. Je pense qu'on a besoin d'être éclairé. Donc c'est pas fini, on va clôturer cette première partie de l'émission. Et en deuxième partie, on va pouvoir accueillir Raphaël Maître, chef de projet dans la restauration collective au sein de l'entreprise EPSA, agréé de conseil. Mais avant ça, je vous propose d'écouter une musique et on en parle ensemble après. Et rebonjour chers auditeurs, nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous venons d'écouter Groovy D de Sunset Breeze. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes trois étudiants de l'école d'ingénieurs Purpan et nous profitons de ce temps aujourd'hui pour parler de notre alimentation. Comment se nourrir le plus sainement possible? Nous avons la chance d'accueillir Raphaël Maître, chef de projet de restauration collective chez l'EPSA. Bonjour Raphaël, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc je pense que déjà on peut commencer par une petite présentation si ça vous va, que vous nous présentiez un peu qui vous êtes, quel est votre métier, où est-ce que vous le faites Donc je suis chef de projet dans l'entreprise EPSA Agriat. J'interviens plus particulièrement dans le domaine de la restauration collective. La société EPSA est un groupe qui fait du conseil auprès d'autres entreprises en performance, okay, au niveau des achats, etc. Et donc Agriat est la branche, l'expert métier restauration collective. Et donc à ce titre, on accompagne des collectivités, essentiellement du secteur public, des collectivités, des ministères, des mairies, des maisons de retraite, des hôpitaux, des crèches, sur leurs problématiques de restauration. Restauration collective, et qui est donc un secteur au niveau alimentaire qui pèse assez lourd, puisque ça représente chaque année à peu près 4 milliards de repas qui sont servis. Okay. Et donc, on intervient à la fois sur des aspects juridiques, mais également réglementaires, contractuels, etc. Ok. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait des agronomes et des nutritionnistes dans votre entreprise, c'est ça ? Effectivement, c'est un sujet qui est extrêmement transversal et qui nécessite en fait d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Des problématiques de restauration, on va avoir effectivement des sujets d'équilibre alimentaire, de qualité nutritionnelle, donc d'où la nécessité d'avoir des compétences de nutritionniste. Il y a également des problématiques de sécurité alimentaire et d'hygiène, avec la maîtrise de la réglementation alimentaire telle qu'on la connaît, hein, sur la maîtrise de la chaîne du froid, enfin, plein d'autres choses. Hein. Également des problématiques juridiques, puisqu'on est là sur des sujets qui touchent aussi au contrat entre des collectivités et des sociétés, des problématiques financières et techniques sur une production, puisqu'on est quand même sur une production pour sortir des plats préparés. Donc c'est effectivement un sujet qui nécessite la combinaison d'un certain nombre de compétences qu'on s'est efforcé de regrouper au sein du cabinet. Ok. Et donc vous devez certainement être impacté du coup par les problématiques qu'on a pu énoncer dans la première partie. Vous, est-ce que vous le voyez du coup dans votre travail, l'impact des pesticides ou la perte d'nutriments ou autre ? Alors... le voir moi directement, je vous dirais que non, c'est-à-dire que la perte de nutriments, on va la constater si on est au niveau analytique. Pour actuellement, c'est vrai qu'il y a débat sur le côté significatif de cette perte en nutriments. Selon certaines études, il y a une perte, mais qui n'est pas forcément à considérer comme étant significative. Ceci étant dit, c'est un sujet qui, de toute façon, et vous l'avez très bien évoqué en première partie, qui préoccupe les consommateurs et qui questionne. Et donc, de fait, on est impacté à ce niveau-là, puisque on a au bout de la chaîne des consommateurs, des convives, qui se posent des questions aussi qui veulent savoir ce qu'il y a dans leur assiette, qui veulent savoir comment ont été préparés les repas, et qui veulent mieux manger, comme vous le disiez, mais pas que chez eux. Ils veulent aussi mieux manger quand ils sont sur leur lieu de travail. Ils veulent que leurs enfants mangent bien ils sont à l'école. Donc, de ce point de vue-là, c'est effectivement une inquiétude et une préoccupation qu'on ressent de manière tout à fait prégnante en restauration collective. D'accord. Du coup, je rebondis sur ce que vous dites. Du coup, vous, à votre échelle, est-ce que vous trouvez que dans votre métier, vous avez l'impression que la demande du consommateur, elle s'oriente vers le sans pesticides ou pas encore ? Est-ce qu'il y a une réelle prise de conscience en ce moment ou vous observez ça ? Alors, oui, il y a une réelle prise. Enfin, il y a une prise de conscience dans la mesure où, comme je vous le disais, c'est devenu un vrai sujet. Je pense qu'il y a, aucune collectivité aujourd'hui qui ne se posera pas la question, effectivement, de comment je fais pour maîtriser la qualité des denrées, et notamment au niveau du bio et de la maîtrise de tout ce qui va être phytosanitaire. En outre, on a une réglementation qui vient appuyer ça, puisque la loi Egalim de 2018 impose désormais à la restauration collective d'introduire dans les repas un minimum de bio, un minimum de 20% de bio. Donc, de fait, la loi pousse également de toute façon dans cette direction-là. Donc c'est forcément un vrai sujet. Après, il faut quand même avoir conscience que tout le monde n'a pas le même niveau de préoccupation par rapport à ça. Je m'explique. Tout le monde, bien entendu, vous répondrait que c'est important pour lui de bien manger et de manger quelque chose de sain, etc. Il n'y a pas de sujet. Mais en revanche, il y a quand même un critère qui, malgré tout, va revenir de manière systématique. C'est la question du prix. Oui, c'est sûr. Ça, c'est c'est-à-dire que, oui, tout le monde est d'accord pour avoir du bio, pour avoir des denrées de meilleure qualité, etc. Mais la question, c'est le curseur prix. Jusqu'à combien on est prêt à mettre en termes de surcoût en tant que consommateur. Moi, je parle sur la question de repas. Hein. En tant que consommateur, combien je suis prêt à mettre en termes de surcoût pour avoir une meilleure qualité ou qu'on me garantisse une meilleure qualité qualité de ce point de vue-là, j'entends qualité au sens de la réduction des intrants. Chacun a son curseur, positionne son curseur différemment. Et par définition, la restauration collective, c'est apporter une réponse collective à une somme d'individualité. Donc du coup, c'est là où c'est un peu compliqué. Ouais. C'est que chaque convive va avoir son approche, sa perception, son attente. Et il va falloir, en face, trouver une réponse qui puisse satisfaire le plus de monde possible. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la question du est-ce que les consommateurs sont prêts finalement, enfin, est-ce qu'ils peuvent même, en fonction de leur pouvoir d'achat et tout, faire cet effort-là. Et du coup, est-ce que vous ressentez une différence de demande vis-à-vis du bio, par exemple, en fonction de à qui vous faites les repas ? Alors, il y a clairement, je pense, j'ai pas de chiffres pour étayer mes propos, mais en termes de ressenti, je pense que s'il y a une branche où effectivement on a une forme de consensus dans la demande, ce sont les parents des enfants qui sont en crèche. Ok. Parce que je pense que tout le monde est à peu près d'accord. Il y a un consensus scientifique pour dire que l'impact de résidus phytosanitaires, il va être quand même décuplé chez les très jeunes enfants. Et du coup, il y a une vraie préoccupation des parents par rapport à ça. Donc, sans vouloir généraliser, c'est vrai que s'il y a une population qui est particulièrement sensible, ce sont les familles des très jeunes enfants qui sont en crèche et des jeunes enfants, après en maternelle. Et ensuite, après, pour les autres catégories, vraiment, je pense que c'est assez personnel et c'est aussi lié, comme vous le disiez, à une question de pouvoir d'achat. Mais je me demandais, on est en train donc de dire, pour manger mieux, donc avec moins de résidus de pesticides par exemple, on doit y mettre le prix, mais est-ce que c'est obligatoire ? On est obligé de passer par une augmentation du porte-monnaie, enfin de l'argent qu'on met dans l'alimentation, pour avoir des produits de meilleure qualité ou avec moins de pesticides ou autre ? Actuellement, la manière effectivement d'avoir une garantie des baisses de pesticides, c'est d'avoir d'acheter une denrée qui va être certifiée, qui va être labellisée. Oui. Donc, il y a plusieurs labels qui existent, mais le label officiel, qui est le label AB, Agriculture Biologique, et qui répond au même cahier des charges désormais que le label, la réglementation européenne, c'est effectivement le label officiel et européen qui vient finalement cadrer justement une pratique, des pratiques agricoles pour maîtriser en fait la quantité d'intrants. Donc c'est là où aujourd'hui, c'est finalement pour le consommateur, il a quand même besoin d'informations. Je veux dire, quand il n'est pas dans les champs, il ne peut pas savoir comment les choses ont été faites. Donc la seule manière qu'il a, lui, quand il doit choisir, c'est finalement de se référer à ses labels, à ses certifications. Et donc, ben, on se retrouve effectivement à se diriger vers un label. Le label officiel est dans le AB, mais après, il y en a d'autres privés qui ont émergé. Et ces labels-là, généralement, il y a un surcoût. Il y a toujours un surcoût. Donc, la question, après, c'est aussi une question économique d'offre et de demande. Est-ce que l'augmentation de la demande va finalement venir faire augmenter l'offre et baisser le prix? C'était la direction qui a été prise jusque-là. Et puis, il y a eu l'inflation. Et on voit bien que l'inflation, ben, ça a ralenti la progression du bio qu'on avait pu constater ces dernières années. Voilà. C'est vrai. Et du coup, je voulais vous poser la question aussi, est-ce que pour vous, il y a un circuit de vente qui va être plus propice pour qu'on puisse acheter des aliments qui sont plus sains pour nous? Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'on devrait retourner de plus en plus vers les ventes directes, les petits marchés producteurs, ou est-ce que ça peut tout à fait se faire si on continue autant à fournir les grandes surfaces? Alors, je pense qu'il faut distinguer la problématique de la rémunération des producteurs et la problématique de la question des phytosanitaires. Encore une fois, peu importe que vous achetiez votre produit au marché, en grande surface ou via une AMAP, la question c'est comment savoir quelles ont été les conditions de culture et s'il y a eu des intrants. Et ça n'est pas parce que vous achetez quelque chose au marché que vous avez la garantie, l'assurance qu'il y a eu moins de traitement. En revanche, ça traduit en termes de circuit de commercialisation quelque chose qui est quand même bien différent pour le producteur. Donc, ce sont quand même deux choses qui sont différentes. Et on revient un peu sur cette histoire de label où aujourd'hui le consommateur c'est un peu sa seule manière de se repérer dans tout dans ce vaste débat et dans toutes ces informations, c'est d'avoir des repères qui peuvent l'éclairer et le guider dans son achat. Et voilà, il va chercher finalement des repères. Après, c'est vrai que vous avez dans certains circuits de commercialisation, notamment, on va dire, les magasins spécialisés en bio, vous voyez par exemple apparaître des labels différents du label européen et qui mettent en avant un référentiel plus strict, ouais, qui va être du coup encore plus exigeant que le label bio. Donc, en ce sens, peut-être, on peut se dire que oui, en fonction du circuit de commercialisation, on va avoir accès à des référentiels différents et du coup à une qualité différente. Mais il ne faut pas se tromper entre le côté commercialisation, rémunération des producteurs et la question de la pratique agricole au départ. Et c'est une question de transparence un peu en fait, du coup, de ce qui a été fait pour avoir ce produit. Oui, en fait, il faut être capable de pouvoir communiquer sur la manière dont on a effectivement dont on a travaillé en fait. Comment vous verriez du coup un avenir au niveau alimentaire? Comment vous imaginez l'avenir? C'est une vaste question. Comment en fait on pourrait nourrir autant d'humains mais de la façon la plus saine possible? La question, c'est la question finalement d'un régime alimentaire durable. Ouais. Comment on peut arriver à un régime alimentaire qui soit durable, c'est-à-dire qui permette à la fois de nourrir correctement, de manière satisfaisante, la population, mais qui en même temps ne vient pas épuiser les ressources. Je vais peut-être on peut répéter des choses qu'on a déjà tous plus ou moins entendues. Et après, entre la théorie et la pratique, hein, il y a un monde. Mais effectivement, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, la consommation de limiter la consommation de viande rouge, ça a quand même un impact, puisque c'est une production qui est extrêmement consommatrice de surface agricole, par exemple. Donc, si demain, on veut pouvoir produire plus, il faut pouvoir utiliser, exploiter au maximum des surfaces agricoles. Donc, ça peut être une piste. Et il y a après, effectivement, dans le sujet du régime alimentaire durable, on va arriver sur aussi comment on va faire pour avoir une alimentation plus respectueuse des saisons, plus respectueuse d'un cycle. Vous parliez tout à l'heure de cycle naturel des plantes qui était perturbé finalement avec un apport permanent d'intrants. Donc il y a toute cette question là de retrouver finalement un lien au cycle naturel, mais tout en produisant quelque chose qui puisse répondre aux besoins nutritionnels, et c'est là qu'est le défi finalement. Et après il y a quand même aussi une autre approche qui est l'impact environnemental de tout ça. C'est-à-dire l'impact sur la biodiversité, sur la qualité de l'eau, etc. Où, très clairement, il va aussi falloir modifier notre manière de fonctionner pour pouvoir limiter notre pression sur l'environnement, pour se retrouver dans un fonctionnement vertueux, en fait. Et également, excusez-moi, un dernier point peut-être qui n'a pas été abordé là, dans cette idée d'améliorer l'alimentation, c'est de travailler sur le gaspillage. Oui. Ouais. C'est également un point, un levier qui est extrêmement, qui peut être extrêmement puissant. Oui, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 30% de tout ce qui est produit qui est gaspillé. Et tout à l'heure, vous parliez aussi de la baisse de viande, de production de viande. Et il y a des projets comme After, par exemple, je crois que c'est Solagro, qui a fait un projet, c'est After. Ouais. Et c'est un projet qui étudie justement la baisse de la filière viande d'ici 2050. Donc ça, c'est vraiment à l'ordre du jour, et ce que vous dites est vraiment, enfin, c'est pertinent, quoi. Mais de la même manière, en restauration, c'est vrai qu'il y a déjà eu une tendance de changement, puisque maintenant, il y a un repas sans viande obligatoire chaque semaine dans les écoles, par exemple. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière, où il fallait absolument avoir chaque jour soit de la viande ou du poisson. Mais voilà, il fallait absolument, sinon on considérait que le repas était pas équilibré, mal conçu et ne répondait pas aux besoins nutritionnels. On a quand même évolué là-dessus. Ouais, ça a bien changé. On n'avait pas ça à l'époque, nous, à l'école. C'était de la viande, il y avait de la viande. Ouais, il y a une grosse évolution là-dessus. On va devoir conclure. Donc, je vous remercie vraiment, Raphaël, d'avoir participé à notre émission. C'était une première expérience pour nous à la radio. C'est vraiment intéressant de pouvoir nous poser des questions, élaborer cette émission radio ensemble, développer un sujet qui nous touche autant. Et là, on a pu faire le point donc, sur les pesticides, les mycotoxines, la perte du nutriment, comment voir notre alimentation de demain. Tout ça touche à notre santé. Nous avons choisi ces trois sujets, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. On s'est focalisé sur ce qui touche à l'agriculture, parce que nous, on est futurs ingénieurs agro. Mais il y a aussi tout ce qui est perturbateurs endocriniens, microplastiques, émulsifiants, et beaucoup, beaucoup d'autres sujets qui posent question dans notre alimentation. Donc on vous encourage vraiment, chers auditeurs, à pousser le sujet si ça vous intéresse. On vous laisse les liens qui nous ont servi en description. Bien sûr, on tient à remercier tout d'abord Raphaël Maître, merci beaucoup, qui nous a donné sa vision des choses, merci beaucoup. Et merci aussi à notre école, Purpan, merci à la région Occitanie, à l'Agence de l'eau, à l'Université de Toulouse et à Campus FM. Merci de nous avoir accueillis, d'avoir permis cette expérience. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Au revoir.